à cette émission spéciale Délinquant Punk Rock live du Radioton de CKRL. Hein? Yes! On est bien content d'être là. Merci à tout le monde d'être là. Yeah! On a un concept bien spécial. On fusionne deux émissions du lundi. C'est bien ça. Délinquant juvénile et Prescription Punk Rock. Hell yeah! Hell yeah! On a des bands live avec nous autres. On a bien sûr Fidèle Fiasco. On va avoir les Cyclones et aussi Melvis and the Jive Cats. Qui va être là live tout au long de ces trois heures ensemble. C'est un honneur d'animer avec toi. Écoute, d'habitude, on se chevauche ben oui, le lundi. Ben oui, pour une fois, on peut animer ensemble. Il dit chevauche. Ah oui, tu te fais fancy ce soir. Hein? Je me sors des mots du Radioton. Mais c'est cool, c'est le fun d'être là, c'est le fun d'animer. Bien sûr, on va y aller avec la formation. On va commencer ça avec une pièce musicale. Oui, on va s'écouter Lucky Bullets avec Fire Below. J'ai pris volontairement cette pièce-là vu qu'elle est un petit peu plus punk rock que le rockabilly classique. Quel concept! Quel concept! Hell yeah! Hell yeah! On s'écoute ça! Dans les mains. Je suis en train de devenir. Vous êtes en train de me corrompre, les délinquants. Je deviens délinquant et non punk rock. Hey, c'est un honneur d'être là. C'est le fun. C'est festif à chaque fois de faire le Radioton. On vous invite à donner généreusement, bien sûr, à CKRL 89.1. Écoute, on a une formation incroyable. David nous a booké ça. Les boys, je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre que vous voulez. Ouais, moi, je vais me présenter en premier. Mon nom, c'est Richard Bourque. Je joue de la contrebasse. Et je feed. Salut, moi c'est Manny Senior, je joue de la guitare acoustique. Salut, moi c'est Manny Junior, puis je suis chanteur et guitariste soliste pour Manny Junior and the Cyclone. Les gars, vous êtes un band de Québec qui a assez roulé sa bosse. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? Avec Richard, ça fait 4-5 ans, certains. Déjà? Je pense que oui, le temps passe vraiment vite. Mais sinon, cette année, on est vraiment fiers de fêter notre 10e anniversaire. Ça fait depuis 2008 qu'on existe, puis qu'on roule notre boss dans le rockabilly à Québec, puis au Québec. Cool. Et est-ce que tu peux nous parler de tes influences? Parce que vous êtes un groupe rockabilly, je crois, assez classique, là. Oui. Oui, c'est le vieux son. On essaie de rester dans les traditions. Moi, mes influences là-dedans pour le rockabilly, c'est... pour la guitare, c'est Duane Eddy, le twang, les grosses notes. Après, on s'est inspiré beaucoup de Johnny Burnett Trio, pour arriver au son où ce qu'on est avec le... Ce soir, on est malheureusement... Gab Lachance, il n'est pas avec nous au drum, mais... c'est ça, Johnny Burnett, surtout, je pense que c'est avec ça qu'on s'est inspiré beaucoup pour arriver avec notre son traditionnel, dans le fond, qui est un son, moi je dirais qu'il est un son western, un western hillbilly, là, t'sais, toute l'intensité est dans voix, puis dans les solos de guitare, finalement. Puis pour faire le son vraiment authentique, je crois que vous utilisez des instruments particuliers aussi, hein? Oui, oui. Là, ce soir, on était dans un petit setup rapide, là. Mais d'habitude, on a les instruments d'époque, les vieilles amplis, les vieilles échos, puis tout ça. Puis on essaye de reproduire le plus fidèlement possible le son de l'époque. Là. Moi, j'ai des échos aussi dans ma voix pour faire comme ces enregistrements des années 50. Puis c'est juste à reproduire le vieux son, dans le fond. Ouais. Surtout dans la façon de jouer aussi. Oui, dans la façon de jouer puis l'attitude. Exact. C'est de garder ça le plus vrai possible, le plus proche de qu'est-ce que c'est supposé d'être pour nous. Moi, je suis assez puriste, je m'en dément pas. J'aurais, comme j'arrête pas de dire à ces gars-là, je jouerais pas de rockabilly si j'étais pas avec ces gars-là. Ah oui. À Québec. Pour ceux qui à la maison qui reconnaîtraient peut-être la voix de Richard, on a un ancien de CKRL ici. Ah! Hein? Ah! Oui, c'est vrai. C'était quoi donc? Briser la vague? Oui, Briser la vague. Ouais, très ouais, bonne émission, ça. C'est vrai, des émissions instrumentales. D'ailleurs, c'est David qui m'avait remplacé un été puis qui a fait Délinquants Juvéniles par après. C'est le même qui est né, ouais. Les Délinquants Juvéniles. Les boys, on va vous laisser vous installer. Oui, on va vous entendre live, bien sûr. On vous rappelle que vous êtes bien sûr au Délinquants Punk Rock. C'est dur, hein? J'allais nommer prescription punk rock, mais on est au Délinquant punk rock, on est au Radioton. On vous invite à donner généreusement. On a des bundles à l'entrée, bien sûr. Il y a plein d'artistes qui ont laissé des CD. Vous avez des pièces de collection ici à un prix ridicule. On a de la bière. On vous invite à vous déplacer. Si vous êtes dans le coin, ben on veut vous avoir ici. On a un beau crowd, un beau vibe. D'ailleurs, donnez-vous une bonne main d'applaudissement à tout le monde d'être là. Yeah! Vive CKRL, vive le Radioton. Les boys, on y va avec quelle pièce? Ouais, on commence avec un classique de rockabilly. Aujourd'hui, vu qu'on est en formation, c'est ça, pas de drum, on s'est pris des tunes vraiment, vraiment old school. Puis on commence avec Matchbox de Carl Perkins. Yes. Well, I'm a silly once with Matchbox over my clothes. Well, I was sitting once with Matchbox over my clothes. Yeah, I'll never be happy, everything out of his room. I'm an old poor boy, I'm a long way from home. I'm an old poor boy, I'm a long way from home. Guess I'll never be happy, everything I do is wrong. Yeah, cat! Let me be your little dog, tell your big dog come. Let me be your little dog, tell your big dog come. When the big dog gets here, let him out of his poison. When I'm sitting one with Matchbox hold my tongue. When I'm sitting one with Matchbox hold my nose. ain't hear no matches, so I got a long way to go. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas mentionné, on va sortir bientôt notre quatrième album. Ça s'en vient vraiment beaucoup. Très, très bientôt, notre mix final est en cours. Et on va faire une composition. Et ça s'appelle Back in a Heartache. One, two, three. Well, now I'm back in a heartache thanks to you. Well, now I'm back in a heartache thanks to you. Well, you're not true, but you broke my heart in two. Well, now I'm back in a heartache thanks to you. Well, not so long ago, we were in love, we were so beautiful. Oh, but you changed your way and decided to stay away. Now to you, I just want to say, well, now I'm back in a heartache thanks to you. Well, now I'm back in a heartache thanks to you. Well, you and I too, and you broke my heart in two. Well, now I'm back in a heartache thanks to you. Oh, why you decide to set me free? Last week you said you always loved me. Oh, but you changed your way and decided to stay away. Now to you, I just want to say, well, now I'm back in a heartache thanks to you. Well, now I'm back in a heartache thanks to you. Well, you and I too, and you broke my heart in two. Well, now I'm back in a heartache thanks to you. Well, I'm back in a heartache thanks to you. Well, Friday afternoon, now my work's all done. Tonight I'll go out and we're gonna have some fun. We're gonna go to the dance hall until way past one. Arrive at the party and saw that dancing chick. She got everything, man, she looks so slick. But I can't dance, how can I get romance? Oh, Maddie, you can dance, so tell us what you're gonna do. If you wanna get that girl before the night is true. Tell you what I'm gonna do, I'm gonna play a lick or two. rocking and rolling with that dancing girl. She made me move, she put me in a swirl. Well, I can dance, how can I get romance? Oh, Maddie, you can die, so tell us what you're gonna do. If you wanna get that girl before the night is through, then I'm gonna do, I'm gonna play a lick or two. Un autre compo, You're So True. Every time I see that girl of mine, I get a feeling up and down my spine. You're so true. Oh, oh, oh baby, it's you. Well, I call you baby on the phone. You said you miss me. Come on home. You're so true. Oh, baby, it's you. Well, a kiss and a kiss tonight. Hold me, baby, squeeze me tight. Kiss and a kiss and a kiss me slow. Baby, baby, baby, don't go. You're the one that I love so. You love me, and it shows. You're so true. Oh, oh, oh baby, it's you. You got my head spinning round and round. I'm dizzy and acting like a clown. You're so true. Oh, oh, oh baby, it's you. And I'm lying in your home. I get lost, baby, with all your charms. You're so true. Oh, oh, oh baby, it's you. Kiss and a kiss tonight. Squeeze me, baby, hold me tight. Kiss and a kiss me slow. Baby, baby, baby, don't go. You're the one that I love so. You love me, and it shows. You're so true. Oh, baby, it's you. You're so true. Oh, baby, it's you. You're so true. Oh, baby, it's you. De retour à CKRL 89.1 pour le Radioton pour délinquant punk rock. Hell yeah! Hell yeah! On est ça me chante mieux, là. On est toujours... I'm back! Ouais, oui, j'étais là. On est toujours avec Manny Jr. de Cyclones qui vont nous parler de ce qui s'en vient pour le band. Je pense qu'il y a des petites annonces à faire. Oui, on est vraiment, vraiment à toute fin du processus pour le quatrième album. Les pochettes sont faites. Le mix final s'en vient. Fait que on va probablement sortir ça cet automne parce que vu qu'on va avoir l'album physiquement au début de l'été, ben ça sert à rien de sortir ça pendant l'été. Tout le monde est parti n'importe où en vacances, puis personne n'est là. Fait que probablement qu'on va faire ça cet automne. On va faire une tournée de lancement, le quatrième album de composition. Ça va ressortir encore sur El Toro Record. J'ai eu la confirmation. El Toro Record, qui est en Espagne, à Barcelone. Carlos Diaz m'a dit qu'il ressort l'album. Fait qu'on a refait un deuxième sur leur étiquette. Cool. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. Puis c'est pas mal ça. Après, c'est sûr qu'on a des affaires en banque aussi pour. Moi, j'ai des compositions en banque aussi pour les Typhoons. On ça, verra. C'est ton band, ben, votre band. Le band de surf, ouais, années 60. Fait qu'on a des compositions pour ça aussi. Fait qu'il faut trouver un peu le temps de faire les choses. Là, on va finir nos affaires des cyclones, puis après, on verra. Cool. Je crois qu'il y a bien du monde qui attend ça. Vous êtes assez populaire, de toute façon, dans la ville de Québec, donc je crois que ça va faire un beau lancement. Dans la dernière intervention qu'on a faite tantôt, on a glissé un mot là-dessus. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, les cyclones, ça fait 10 ans que ça existe. Puis moi, ce que je disais avec les gars dans le band, c'est que moi, je trouve que ça fait, sur 10 ans, ça fait peut-être 3 ans qu'on joue vraiment du rockabilly, là. Qu'on y est arrivé à jouer ça comme du monde. Tu sais, pour moi... Puis beaucoup de monde de mon âge, dans la trentaine, dans la quarantaine, qui font du rockabilly, on a à peu près toutes des racines de punk rock. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare en apprenant des affaires des Ramones. Fait que, tu sais, de dire, bon, on va faire de la musique de Yovla 70 ans, mais le gars qui prenait une guitare en 1954, là, ses racines musicales, c'était pas les Ramones, là. C'était du blues, du western, du hillbilly, la musique qu'il y avait dans le swing, le western swing, tout ça. Fait que, tu sais, c'est un moment donné, c'est de comprendre ça. Tu dis, bon, on va reculer plus loin. On va piquer de cette musique-là pour aller faire le rockabilly. Puis un peu se défaire de c'est pas péjoratif, là, mais nos mauvais plis qu'on s'est pris en faisant du punk, en vargeant. Puis, tu sais, pour respecter... Il y a plusieurs façons de le jouer. Nous autres, on a décidé de le jouer traditionnel, là. Mais tu sais, il y en a qui le font moderne, qui le font néo-rockabilly ou bien psychobilly même. Il y a plusieurs branches à ce style de musique-là. Nous autres, on a décidé de le faire comme c'était fait dans les années 50. En tout cas, on essaye le plus possible. Ah, mais c'est en tout cas, évident. À mon oreille, ça sonne très bien. Puis c'est cool, merci. Ça amène une différence aussi. Puis tu sais, c'est pas une scène, c'est une belle scène en ce moment, mais ça remonte le 10 ans, quand vous êtes arrivé, la scène psychobilly, surtout à Québec, c'était quasiment inexistant. Il y avait pas tant de bands que ça. C'était non. pas. Puis même à Montréal, il y a quelques bands qui ont émergé à cette époque-là, mais ça n'a jamais été une scène autant, je pourrais dire, aussi riche que le punk rock, et autant de bands. Moi aussi, c'est certain. Si je peux dire, moi j'avais un band, justement, j'ai commencé à faire des shows en 96 à l'Arlo, avec des bands de punk, justement. Jamais de ma vie, je pensais faire des DJ sets de rockabilly ou de rock'n'roll. Encore moins une émission de radio ici, de tout ça. Puis être d'un band à Québec il y a 20 ans, là, il y en avait, là. Y avait... Oh, dans les années 80, à Québec, il y a eu un super gros revival de rockabilly, là. Avec des vues de la veille, mais ils ont tous comme déménagé à Montréal. Ça arrive beaucoup avec Québec, là. Une petite parenthèse, là. Arrêtez donc de partir ailleurs. Moi, ça fait. Le mythe, faut que tu sois à Montréal. Moi, ça fait depuis 96, justement, que je veux que Québec soit, tu sais, une étoile aussi sur la map, tu sais. Puis avec des gens comme toi, Eric, puis tout. Ça se fait, là, avec des bands, là. Mais il se passe de quoi à Québec? Oui. On a vraiment une belle scène, puis ce soit. Mais moi, les vagues de quitter, de aller ailleurs, là. Restez donc ici. Ah, mais vous êtes vraiment des gars de musique. Je crois que vous avez plusieurs bands aussi, hein? Oui. Moins maintenant, mais Lude, je pense qu'on est... Lude, il est 8h30, on va être là à 8h30 demain matin. Assisez-vous, solide. OK, fait que là, il y a Manny Junior and the Cyclones, ça, c'est notre groupe de composition rockabilly. Après ça, les Typhoons, qui sont un groupe de composition aussi, mais du rock'n'roll surf années 60. Après ça... On parle-tu de notre band caché ou on parle pas de notre band caché? Le band caché, il y a même un band caché. Hayden Band. OK, de qui qu'on parle, on sait plus. Je sais pas de qui parle. Fait qu'après ça, on a, je viens de partir le Manny's Honky Tonk Trucker Band. C'est un band de country rock, plus moderne, tu sais. Des trucs des années 60, 70, 80, 90. Uniquement country, puis pour l'instant, c'est des covers. Après ça, j'accompagne Israël Proux encore dans ses concerts comme guitariste. Après ça, je joue de la steel guitare pour les Howling Hound Dogs à Montréal, un band qui est un band fort pour la province. Là, c'est eux autres, ils existent depuis au moins une vingtaine d'années. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... ça a été une bonne inspiration pour moi aussi, les Howling on Dogs. Puis ça l'est toujours, tu sais. J'adore leur répertoire, puis je suis vraiment content de jouer avec eux. Je fais partie aussi avec un peu des membres des Howling on Dogs. J'accompagne toujours à style guitare Emma Williams and the Rambling Mans à Montréal. Puis... je pense pas mal ça. T'as pas parlé du Nashville Trio, tu fais partie de? Ah oui, je fais de la bass dans le Nashville Trio aussi, qui est un... J'en oublie. Un band de country. J'en oublierai. Un band de country à... Là, vous le voyez pas à radio, là, mais il y a un petit livre là. S'il perd ça, il est vraiment dans le chenou. Oh non. L'iPhone analogue qui est crayon papier, là. Oui. Fait que Ludo, pas à Montréal, parce qu'on est dans le chenou, sinon. Oh. Je joue dans ben trop de bands. Va falloir commencer encore. Reste dans ici. La distance, c'est pas... Non, on est bien au Québec, sérieux. Sérieux, on est bien. Moi, ça me dérange pas de me... Ça me dérange pas d'aller faire des concerts dans d'autres villes, tu sais, puis... Mais à Québec, c'est ça, dans le fond. Il y a peut-être moins de groupes en nombre, mais on a tous les styles quand même. Oui. Tu sais, il y a des groupes de... D'autres, on est dans le rockabilly surf. Après ça, t'as des groupes de... Il y a des groupes de punk, il y a des groupes de metal, il y a des groupes Irish, il y a des groupes folk, il y a des groupes... Bluegrass, tu sais, country, western. Non, c'est des bonnes années pour Québec. Il y a une belle variété. Là. Puis on a les Cyclones Live, on va y aller avec vous autres. Oh yeah, on retourne au... On vous rappelle bien sûr que vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. Vous êtes au Radioton, on vous invite à donner généreusement. On remercie notre public en feu. Je l'avais dit qu'il était en feu. Des fois, c'est pas la quantité, mais la qualité. C'est ça qu'on a ici aujourd'hui. Déplacez-vous si vous êtes proche de la station. Venez nous voir. Venez voir, bien sûr, les Cyclones performer live. Venez voir. On a Melvis and the Gibbs Cat qui va être live dans quelques instants aussi. Et bien sûr, Fidel Fiasco. Tout ça sur les ondes de CKRL. Merci tout le monde. Et on s'écoute les Cyclones. Hell yeah! Oh yeah! OK, tantôt, on a parlé de mes racines de punk rocker. Fait que là, tantôt, on était dans le local, on faisait un petit tour de savoir qu'est-ce qu'on allait jouer. Puis on l'a essayé la dernière fois en show, mais puis ça, c'était drôle. Fait que là, on l'a refait. On va faire un petit tune des Ramones, ça s'appelle « I Wanna Be Sedated ». Twenty-four hours to go. I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go home. I wanna be sedated. Just get me on the airport, get me to the plane. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. Can't control my finger, I can't control my brain. Oh no, no, no, no, no. Well, 24 hours to go. I wanna be sedated. Nothing to do, no way to go. I wanna be sedated. Get me to the west end, get me on a plane. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. I can't go through my fingers and I can't go through my brain. Oh no, no, no, no, no. I wanna be sedated. Ba ba ba ba ba ba ba ba. I wanna be sedated. Ba ba ba ba ba ba ba ba. I wanna be sedated. Ba ba ba ba ba ba ba ba. I wanna be sedated. Oh boy, Willy Lamotte does the Ramone. Aïe, aïe. Maintenant, on fait une petite tune de country western de course, ça s'appelle Racing Man. One, two, three. beats a racing man. Racing in my blood today. I wouldn't have lived another way. Right on my tombstone with a bullhead. Man, they would die a racing man. A racing man meets the best in the game. The total a tranny and hunter tracks of fame. The daddy of them all is the hearing apple is five. I'm gonna win that baby if I stay alive. This is in my blood to stay. I wouldn't have a life no other way. Right on my tombstone with a bullhead. This man lives and dies a racing man. Racing man beats the best in the game. The donor, a planner, and hunter tracks of fame. The daddy of them all is the hen and apple is five. I'm gonna win that baby if I stay alive. Races in my blood today. I wouldn't have laughed no other way. Right on my tombstone with a bullhead. This man lives and dies a racing man. This man lives and dies a racing man. Merci beaucoup. Oh yeah, Hot Bop! On y va pour Hot Bop, ça va être... Hot Bop, ça va être le titre de notre quatrième album. Hot Bop, Hot Bop, Hot Bop, la nouvelle danse. Ouais. On est rouillé, ça s'appelle Hot Bop. Hot bop, jiggy diggy, so go on, I'll say that's why. Hot bop, jiggy diggy, jiggy diggy, hot bop, jiggy diggy, so go on, I'll say that's why. La semaine de job est enfin finie, puis on va grouiller toute la nuit avec la plus belle fille du comté sur le hot bop, baby, bon bouger. Hot bop, jiggy diggy, jiggy diggy, hot bop, jiggy diggy, so go on, I'll say that's why. Hot bop. Diggy diggy diggy diggy diggy, hot bop, diggy diggy diggy, diggy diggy diggy, diggy diggy diggy, diggy diggy diggy, hot bop, diggy diggy. Hot bop, diggy diggy, diggy diggy, that's what I say, that's why. Hot bop, diggy diggy, diggy diggy, diggy. Hot bop, diggy diggy, that's what we gonna do tonight. And I'm gonna wanna have some fun, and we gonna dance till way past one. You be my girl, and I'll be your man, and we gonna bop until then. Hot bop, diggy diggy, diggy diggy, diggy. Hot bop, diggy diggy, that's what we gonna do tonight. Hot bop. Diggy diggy diggy diggy doo, hot bop, diggy doo, they fuck off what I see, that's why. Hot bop! Les Trash Men ont fait ça. Henrietta, ça s'appelle. Yeah! Êtes-vous capable de faire une toune en une minute? Ben oui. OK. Oh yeah. Punk rock style. Oh, oui. Délinquant style. OK, on a fait une. On va finir en beauté. On va finir en québécois. Ça s'appelle L'air atomique de Willy Lamotte. Puisqu'on est à l'air atomique, les satellites et les footniks, voici une chanson dynamique par un gars bien catégorique. Sur notre bonne vieille terre ronde, on se demande où va le monde. Nous finirons assurément atomisés, petits et grands. Un de ces jours, on ira aussi en expédition, mes amis. Jupiter, Saturne ou bien Mars, pourquoi les gars, c'est toute qu'une farce. Un bon conseil que vous suivrez, écoutez les chansons d'où elle est. Et au lieu d'être atomisés, vous serez tous la baptisés. Merci beaucoup. Hey, merci les Cyclones, c'était vraiment bon. Vraiment cool, sérieusement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir fait ça. Je sais que c'était pas votre premier radiothon, mais on l'apprécie. Écoute, en plus, c'était tout qu'un casse-tête monter cette programmation. Fait que merci à tout le monde. Merci d'être là, les auditeurs. On est là jusqu'à 23h. Vous êtes bien sûr avec DJ Punky Asbed. Hey, Scarlet May. Hell yeah! Sur les ondes de CKRL. Restez à l'écoute parce qu'on a deux bons bands qui s'en viennent après la pause. On va avoir Melvis and the Jive Cats et... Fidel Fiasco! On a gardé le fiasco pour la fin. Ben ouais. Hell yeah! Merci tout le monde. Yes! Vous êtes toujours au Radioton. Pour délinquants punk rock. Hell yeah! Écoutez, on a eu Manny Jr. et les Cyclones qui ont performé, qui ont cassé la baraque. On s'installe pour la deuxième partie, si on veut, de ce 3 heures. Et on a d'autres invités qui vont nous faire une prestation. On a Melvis and One Jive Cat ce soir qui vont nous faire une prestation acoustique. Unique! Unique pour le Radioton. Pour le Radioton. On a des petits spéciaux pour le Radioton. Ça va être cool, sérieusement. On a déjà eu la formation à prescription punk rock. On est content de les avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Fidel Fiasco qui va terminer ça en fiasco, ce Radioton, cette émission spéciale. Merci d'animer avec moi. C'est vraiment cool. Ah ben, merci de m'avoir invité. Écoute, moi, j'annonce que j'arrête prescription punk rock. Je te laisse le lead. Ce serait gentil, là, mais ça fait beaucoup de job. Hey, on vous rappelle, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. Merci d'être là, soit à la maison, ici en studio. Merci tout le monde en studio, yeah! Yeah! On revient bien sûr avec la formation, mais on y va avec un bloc musical. Ouais, on va entendre d'ailleurs de Living Dead. Si vous aimez ce que vous entendez, ils vont être en spectacle le 19 avril à la Source de la Martinière. Donc, un band parfait pour les fans de délinquants juvéniles et prescription punk rock, puisque c'est du psycho beat. Donc, un mix un petit peu des deux. On s'écoute ça tout de suite à CKRL 89.1. Yeah. good signs for me. I'm not getting away with murder. I did what I had to do. I was trying to run, but that man had a gun. You would have done the same thing too. We crossed the state highway and on the moonshine and the sugar filled with goo. We all hit a bump and the tanks took a dump. White lines and speed signs for me. Rock pour le Radioton de CKRL 89.1. Puis on a une chance inouïe d'avoir en studio une formation qui, je pourrais dire, respecte un petit peu par la bande d'en arrière le faux contrat qu'ils n'ont jamais signé à prescription punk rock de revenir maintes et maintes fois. Ça faisait un bail! Ouais! Je vais vous laisser vous présenter. Ah, ben on est très content d'être ici. C'est pas notre première participation au Radioton aussi. On est très content. Alors, nous sommes pour la soirée Melvis and One Cat en formule réduite acoustique pour le plaisir de nos oreilles. Ah, un petit spécial pour les auditeurs de CKRL. Exactement. En forçant. Je me suis enfargé. En version diluée. En version diminuée. Diminuée parce qu'il n'y a rien de dilué au niveau. On fait un peu d'alchimie, là. Puis on retourne au c'est ça qui émerge. Ouais. Et voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Est-ce que c'est la première fois que vous faisiez une formule acoustique comme ça? Non, ça fait une couple de fois qu'on travaille en formule acoustique, mais de plus en plus ces temps-ci, tu sais, ça va par vagues. Présentement, on travaille plus sur des formules, justement, qu'on peut jouer à base, pas trop d'ampli, pas trop micé, avec un petit peu de percu. On tapoche sur des affaires qui font du bruit, puis c'est ça. Et ça sonne bien. Lots of fun. C'est cool, sérieusement. Puis de toute façon, vous l'avez vu depuis les dernières années, il y a une belle tendance, il y a un beau retour justement à l'acoustique. Ça marche beaucoup, c'est une formule qui fonctionne très bien. Beaucoup de bands le font aussi. Écoute, c'est plus simple de traîner une seule guitare et... Mais ça nous permet de mixer aussi plein de styles dans mesure, tu sais, qu'on touche au rockabilly, au swing, après ça, tu sais, on touche aussi au folk, tu sais, on peut adapter plein de tunes, aller chercher des nouvelles sonorités, travailler sur le côté percussif, la podorythmie, donc, écoute, l'important, c'est de s'amuser, dans le fond. Hein. Puis je pense que c'est pas un gros défi pour toi, parce que tu as une formation là-dedans, je crois. Oui, j'ai une formation en musique, mais écoute, ceci est une autre histoire. ouais. C'est ça. Puis quelques projets, quelques bands. Oui. Ben écoute, c'est sûr qu'on part de loin. J'entendais Manny parler tantôt des bases de punk rock. Ben oui, c'est ça. J'ai commencé dans les bands, j'avais 15 ans. Fait que j'avais un band de punk rock. Après ça, ça a évolué vers d'autres choses. Ça a évolué vers le jazz, ça a évolué vers le swing. J'ai encore une forte tendance à écouter beaucoup de ska. Et j'encourage les gens à écouter beaucoup de ska, surtout avec la température qu'on a en ce moment. Oui, ça met du soleil un peu. Plus neige, écoutez du reggae, tout va bien aller. Mais moi, ma première école, c'était le grunge. Je veux pas casser ça un peu, là, mais... Et voilà. J'allais quand même dans un show de punk rock. Mais c'est drôle, puis on va y aller rapidement, mais le grunge, tu sais, puis n'importe quel puriste ou les bands qui étaient là à l'époque de Nirvana, ces bands-là côtoyaient beaucoup le punk rock, tu sais. Puis c'est beaucoup puisé là-dedans. Puis je trouve ça cool parce que, écoute, c'est la base. De toute façon, voilà. Les trois accords sont la base, hein, tu sais. Mais il y avait rien qui était super défini. Puis il y avait rien qui était super défini puis cerné dans la mesure que, tu sais, chaque courant mène un contre-courant. Puis tout le monde s'inter-influence de différents styles de musique. Fait que c'est ça qui fait en sorte que le beat s'agrandit puis qu'on finit par faire d'autres styles de musique puis avoir des bons beats pour échanger, justement. Puis je pense que vous n'avez jamais eu une porte de fermée. Vous avez plusieurs styles. Vous pouvez jouer avec un public, que ce soit du punk rock, du metal ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est le fun aussi parce que vos influences à travers tout ça, ben, s'imprègnent dans votre musique. Puis je trouve ça cool. Mais quand j'avais commencé Melvis, l'important c'était comme de s'amuser à la base. Fait que tu sais, si ça me tente de jouer une tune de qui est plus ska justement, puis la virer en un autre tempo, puis ça me tente de jouer une tune qui est plus punk rock, qui est plus dans le domaine genre comme du blues ou aller chercher plein d'influences, je le fais puis je me le permets parce que je pense que c'est important d'être varié, d'aller chercher des sources différentes pour avoir des influences différentes. Puis l'important c'est vraiment d'avoir du fun. Là. Hell yeah, ces trois lettres-là, du fun! Puis à soir, oui. On va en avoir, je pense. À soir, vous allez faire une petite prestation de quelques pièces? Oui. Est-ce que c'est votre registre habituel? Écoute, on s'amuse un peu ce soir. On est allé chercher dans les trucs plus récents avec une chanson d'Émile Domé. Après ça, on fait une reprise d'une chanson de Cher qui a été commercialisée mostly par Nancy Sinatra en 1966, qui est Bang Bang. Cool. Et on vous fait aussi une chanson No Good Lover, qui est un petit duo de Marty Brown, qui a été enregistré plus dans les années 50. Fait qu'on on saute de décennie en décennie. On s'amuse un peu. Les tunes ne sonneront pas comme les originales, mais c'est ça l'important. Ça va être cool. Je vous laisse vous installer. On va entendre ça. J'ai la salive qui coule sur le bord de la bouche. J'ai hâte d'entendre ça, man! Hey, on vous rappelle, vous êtes bien sûr à CKRL 89.1. Alicia est là! Salut! Hey, mais Eric, si on veut donner pour le Radioton de CKRL et dans le fond aider à continuer à avoir une diversité musicale à la radio, comment on fait? Vous pouvez appeler puis mettre nos téléphonistes dans le jus. Parce qu'on a une armée de téléphonistes au 418-640-2575. Vous pouvez donner par PayPal. Allez bien sûr à ckrl.qc.ca. Sinon, venez directement en studio puis venez soit acheter les bundles. Il y a plein de CD, livres, films, téléséries pour pas cher. Venez donner généreusement. C'est ce qui nous permet, c'est ce qui me permet de crier Hell Yeah à chaque semaine et c'est ce qui me permet d'animer après les délinquants juvéniles. Hell yeah! On y va avec vous autres, bien sûr, mais merci beaucoup. Yeah. Yeah. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. You will always win the fight. Bang, bang. Shut me down. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. I used to shoot you down. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. You were black and I was white. You will always win the fight. Bang, bang. You shut me down. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. I get the ground. Bang, bang. I used to shoot you down. Seasons came and changed time. When I grow up, I'm calling blind. Remember when we used to say, remember when we used to play. Bang, bang. Shut me down, bang, bang. And I'm pulled down, bang, bang. I get the ground, bang, bang. I used to shoot you down. Just for me to church bell rang. My ears gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. Bang, bang. I get the ground, bang, bang. That awful sound, bang. bang bang. Oh, bang bang. Bang bang. I used to shoot you bang, down. Bang. Une petite pièce de Marky Brown, enregistrée dans les années 50. Un petit duo avec mon pote et maintenant collègue de travail depuis 9 ans, Jean-Sébastien Gassière. You don't be wrong. You know good lover, and you know you don't be wrong. But one day, baby, I know you'll come back home. If you treat me right now, would I go? If you treat me. You're standing there, so you won't be back. Took all my money, struck a Cadillac. I'm on my way, I'm a way to stay. Goodbye, goodbye. So I got to say, you are no good lover, and you know you got me wrong. All for the thing I've done for you. I'll think that you will be untrue. If I'm untrue, don't be for me. That is what you not make me see. I can better keep going, move on down the line. Better keep going, move on down the line. And even when you drive me out my mind, keep on moving, move on down the line. Moving down the line. Keep on moving, moving on down the line. Marine en place. On se réchauffe. C'était malade. Hein? Bon. Vous qu'on a le temps pour une dernière pièce. Deux pièces. Est-ce que vous avez ça en stock? 2 minutes. Oh. Hey, on s'essaye. On s'essaye. Là. Avez-vous ça en stock, une pièce qui dure gros max 2 minutes? Version rapide. Take as a Brick de Jethro Tull. En 2 minutes. J'ai justement ma flûte traversière avec moi. Je savais que tu l'avais amenée. You got me with a hook. Those big bass notes. Turning my chest loose. Sticking my throat. Putting me down. Like rumbling in the ground. Rise up from the depths. With the deep down sound. Ooh, Johnny got a boom boom. Johnny got a bam. He got a... Swear to a woman, not even having his grip. Oh, big vibration, yeah, I just want that. You gotta blow my mind. You gotta make me wanna, make me wanna. Oh, Johnny got a boom boom. Johnny got a bam. You gotta. Ooh, watch that man. 20 knees in. I got no choice. He's a big fat boy. You gotta freak out. You gotta freak out loud. Merci tout le monde, donnez généreusement. Surtout. Partenaire majeur du Radiothon de CKRL, le Bal du Lézard s'est imposé au fil des ans comme un lieu de rencontre culturelle et sociale au cœur du quartier Limoilou. À la fois café, resto, bar, salle de spectacle et d'exposition, le Bal est l'endroit idéal pour rencontrer des gens sympathiques dans une ambiance chaleureuse. Découvrez toute notre programmation à venir sur lebaldulézard.com. Chers auditeurs, André Drolet, votre député de Jean Lesage. Comme à chaque année, il me fait grand plaisir de prendre le micro pour appuyer CKRL dans le cadre de son Radiothon. Cette année, l'objectif est d'amasser 42 000 $ pour assurer une production de qualité et diversifiée. Radio de l'année au GAMIC 2017 et 4 fois Radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010, Limoilou a une chance inouïe d'avoir un média de contenu local avec une si grande notoriété. CKRL est une tribune extraordinaire pour les artistes tant émergents qu'établis et un média de communication essentiel pour les résidents et commerçants du secteur. Alors, chers amis, en grand nombre, contribuez au succès du Radiothon de CKRL. Merci beaucoup à tous. Vous aimez les romans historiques? Lui préfère la science-fiction? Alors que vos amis ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Et que vos enfants dévorent des histoires d'amour tourmentées? Le Salon international du livre de Québec saura vous contenter. Avec plus de 1250 auteurs présents, la diversité est au rendez-vous cette année encore. Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence d'honneur d'Éric-Emmanuel Schmitt, du 11 au 15 avril, au Centre des congrès de Québec. Seb's, la maison de thé qui vous offre une superbe sélection de plus de 180 thés fins et aromatisés, importés directement du producteur. Seb's, c'est des théières traditionnelles et contemporaines et une multitude d'accessoires et d'idées cadeaux. Découvrez dès maintenant nos nouveaux arrivages de thé vert de la récolte de ce printemps et goûtez la différence de la fraîcheur. Visitez-nous au 67 René Lévesque Est ou naviguez sur sebs.ca pour connaître les dates de nos ateliers axés surtout sur le plaisir de la dégustation. Depuis 10 ans, Première Ovation soutient la création émergente de Québec. Rencontrez Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, dont les premières prestations ont été soutenues par Première Ovation Musique. Tire le Coyote, ça existe depuis près de 10 ans. Il y a eu une grosse différence en 10 ans, vraiment. Aujourd'hui, on compte beaucoup plus de jeunes artistes hyper intéressants, et pas juste intéressants en fait, mais dont on entend parler, pas juste à Québec, ailleurs aussi, et qui décident de rester ici, parce que c'est plaisant de créer à Québec. Je suis de ceux qui pensent que la santé d'une ville passe par la culture. Mais ce qui donne le souffle à tout ça, il y a plein de petits événements, je trouve, qui donnent le souffle à une ville et qui mènent finalement à des événements comme le Festival d'été. Puis ça peut être pas nécessairement musique, c'est la danse, c'est des shows de théâtre. C'est hyper important pour la santé de la culture à Québec, mais au Québec, de faire en sorte que les artistes se sentent concernés, en fait, par la culture dans leur propre ville. Le but ultime, c'est de juste être proactif dans sa démarche, de prendre toutes les possibilités possibles, de sortir le plus de chansons possibles, le plus de vidéos possibles, et de faire le plus de spectacles possibles. Parce que si t'attends que quelque chose arrive en restant chez vous, c'est certain qu'il n'y a rien qui va se passer parce qu'il y a trop d'excellents artistes. Donc, il faut, je pense, avoir une certaine vision, un petit peu, puis justement, rester dans l'action. Première Ovation, un tremplin pour la relève de Québec et de la nation Huron-Wendat. Pour connaître les soutiens offerts par la mesure, visitez le premièreovation.com. Salut, c'est Olivier Bercelli de l'émission Démentiellement Vôtre. CKRL est en plein Radioton et c'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez dons généreux. Suivez notre encan du Radioton sur ckrl.qc.ca. Téléphonez au 418-640-2575 et misez à votre tour. Le lot numéro 54 est offert par Mon Quartier en boîte. Un certificat cadeau d'une valeur de 30 $ est laissé pour seulement 15 $. Les lots numéros 55 et 56 sont offerts par IGA Jobidon, qui vous offre 2 certificats cadeaux d'une valeur de 100 $, laissés pour seulement 50 $. Le lot numéro 57 est offert par LR Cosmétique, qui vous offre une gamme de soins pour la peau, aux propriétés anti-âge, antioxydantes, réparatrices et protectrices grâce à la richesse botanique d'une valeur de 256 $, laissée pour seulement 125 $. Le lot numéro 58, offert par le Théâtre de l'Abordé, vous offre un abonnement simple de leur session 2018-2019. La catégorie abordable régulier, d'une valeur de 130 $, laissée pour seulement 65 $. Le lot numéro 59 est offert par Parc Canada, qui vous offre 4 billets, le grand tour, qui comprend une visite guidée du lieu historique national des forts et châteaux Saint-Louis et 2 visites guidées du lieu historique national des fortifications de Québec. En plus, un sac cadeau avec les items suivants: un sac à dos gris, une bouteille d'eau réutilisable couleur bois, un livre de National Geographic sur les parcs nationaux au pays, un livre de National Geographic sur tous les lieux historiques nationaux au pays et un Tubers aux couleurs de Parc Canada d'une valeur marchande, tout ça de 200 $, laissé pour seulement 100 $. Faites un don en composant le 418-640-2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton PayPal. C'est le moyen le plus sécuritaire et le plus simple d'encourager votre radio.

toujours sur les ondes de CKRL 89.1 au délinquant punk rock. Yeah, pour le radioton de CKRL. Donnez généreusement. On a une formation qui est descendue de Drummondville. Venir nous exploser les tympans. Salut, Bédon! Ça va, man? Oui. Mon cher Imbo, merci d'avoir accepté l'invitation de venir avec Fidèle Fiasco. Merci de venir faire le fiasco ici à CKRL. Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. Écoute, j'aimerais enchaîner rapidement avec une anecdote. Carl qui s'en vient, je sais pas si tu te rappelles à la ligne quasi avec Alien's Cab. On avait booké les Hunters, Beer Patrol, Alien's Cab. On avait monté Carl sur le drum. Il était même pas capable de tenir debout. Puis il avait réussi à drummer de peine et misère. Puis on avait chanté Lionel Yum pour aider les gars en backup parce que... Ah, c'est le fun que t'as la mémoire. Ah, regarde-moi pas, je peux pas répondre ouais, pour toi. Je sais pas partout. Steph était pas là. Steph, un beau merci d'avoir accepté l'invitation. Fidèle Fiasco, pour ceux qui vous connaissent pas, yes. Ça fait déjà plusieurs années que vous explosez les tympans et le brain de bain du monde. Trois ans officiellement à deux, puis avant ça, ben, on gossait là à cinq, à quatre. Maintenant, on s'est dit à deux, c'est plus simple. Ouais. On monte tout ça dans un char, mon gars, puis on part. Ouais, mais si vous variez le setup Frankenstein de Fidèle Fiasco, c'est comme. Moi, je pense que le concept à la base, vous êtes des hommes. Des créateurs. Multi-instrumentistes, tu sais, des hommes orchestres. Ouais, un peu ça. Ben, moi, je pense que non, on s'est plus débrouillé avec. J'avoue que vous avez eu l'image des Simpsons en mer, en orchestre dans cette heure. On est plus des ingénieurs. On avait gros du temps, pas beaucoup d'amis, fait que. Ouais. On n'a plus les ingénieurs qu'on a, hein? En tout cas, on a réussi à faire quelque chose. Puis ça va quand même bien, je pense. Quand même. Les boys, vous avez joué à Rimouski dernièrement. Il y a plusieurs shows qui s'en viennent. Pas mal, Écoute, ça va être une belle tournée pour vous autres. Vous allez vous rendre jusqu'en Ontario. Toronto, ben oui. Toronto? Ben oui, on s'est fait inviter à Toronto. Toronto est prêt, man. Ah, ils sont peut-être pas prêts, mais bon, c'est quand même eux autres qui nous ont invités à base. Ouais, fait que, tu sais, on n'a pas couru. Ça a donné qu'un band a claqué sur Internet Gypsy Punk Montréal, puis on est sorti comme quand même d'un premier. Même si vous n'êtes pas totalement de Montréal. Non, on n'est pas totalement Gypsy Punk. Vous allez être présenté comme un band Gypsy Punk de Montréal. On a pris le nom le moins populaire. On a le band Gypsy Punk de Montréal. J'ai fait une recherche à Toronto aussi pour voir les fits qu'il y avait avec nous autres. J'ai tapé Gypsy Punk Toronto, puis on sortait quand même sa deuxième page de Google à Toronto. On a bien fait le choix. On s'est dit quel style qu'on a, on ne sait pas. On va prendre celui que quand tu tapes, c'est nous autres qui sort. Yes. Ceux qui s'attendaient à du folk, attention, vous allez peut-être être déçus. Ouais. Tu sais, Scarlett, depuis que le band existe, le mot fiasco a gagné en popularité sur Google. Quand même. Ah, mais c'est bien ça pour trouver des opportunités de show, hein? Ah oui. Tu sais, dans le monde du SOE, là, ça serait. Tu sais, c'est un bon choix de mots de mots-clés de recherche sur Google. Ben, Fidèle Fiasco, on va dire aussi, quand même, il y en a un autre qui ressemble à nous autres qui est quand même populaire. Là. Le Fiasco, je pense. Anyway. Mais, qui ça? Je connais pas, moi, je connais pas. Là. Mais voyons donc. Je parlais de la montagne. Ils sont pas fidèles, eux autres. Ouais, il y a une montagne qui nous surclasse encore. Il y a une montagne qui nous surclasse. Ouais, on travaille là-dessus. À vous, hein, ouais, c'est clair, hein, on voit le feu ardent. Fidèle Fiasco va déplacer des montagnes. Je pense que c'est ce que vous êtes venu faire ici. Oui. Ben oui. Ouais, combien de tonnes? On sait pas combien de tonnes. On va voir avec le gars de la régie. On va faire des tunes. Si Bête parle pas trop, vous allez avoir du temps. Nous autres, on parle pas. On est tannés, là. On est tannés de parler, on veut jouer. Ça s'en vient. Les boys, on le rappelle, donnez généreusement. On remercie toutes les formations qui se sont déplacées. Merci de venir jouer live. Écoutez, c'est toujours un honneur. C'est un honneur de vous avoir. Fidèle Fiasco, vous faites un style qui est complètement hors norme, on s'entend, là. Mm-hmm. Tu sais, si j'aurais à... Parce que là, je vais perdre du monde. Là. Si j'aurais à créer votre page MySpace. Tu sais, à l'époque, il fallait comme définir le genre. Puis c'est là que c'est devenu comme une joke, là, comme rap, punk, metal, hardcore. Il y en a des mélanges reggae. Qu'on peut plus. Écoute, je pense que je tilterais MySpace avec vous autres. Il y a comme pas de catégorie pour Fidèle Fiasco. Ben, on l'a jamais trouvé. Je pense à la critique qu'on s'est fait donner. Vous avez pas de style, non? On n'en veut pas. C'est ce qu'on s'est fait découvrir. En 2018, vous avez pas de style. Ça veut dire que vous avez trop de style. Ouais, on a du style, mais on n'a pas de style, c'est ça. On savait pas comment le prendre. On n'a pas de style précis. Là. Dans le fond, on compose là, puis on joue ce qu'on aime. Fait que si on aime ça. Ah, mais ça, c'est l'art de la musique. Hein. Faudrait arrêter de se donner des noms, puis de se limiter. Tout simplement, jouer ce que vous aimez. Pas de limite. ce qui est le fun. On a pris des conseils de certains concours qu'on a fait, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était mieux de faire à notre tête. Fait que... Ouais. De toute façon, on est deux, on travaille là-dessus à deux, non-stop, deux têtes de cochon. Jour et nuit. On est jour et nuit là-dessus, puis... Puis c'est vrai, puis une invitation au band, tu sais, avant de définir un style ou quoi que ce soit, faites juste sortir ce qui sort. Hey, mais à Québec, on veut venir jouer là, aussi encore et encore. Ben, on attendait, sérieusement, on vient jamais à Québec. On vient jamais, là, ben, c'est parce que c'était toi, tu sais, mais sinon, c'est rare. À date, on va partout. Québec, on est venu deux fois. Une fois pour un concours, c'est quoi déjà? Ouais, l'Omnium du Rock. Et ça, c'est une pointe pour les bookers. Vous n'avez pas le choix. Fidel Fiasco, on veut les voir. Bien sûr, live, booker la formation, écrivez la formation. On veut les voir partout. Festival d'été de Québec, ça serait très bien aussi. Là. On attend que tu sortes des noms. Comment c'est que vous n'avez pas offert la première partie de Beck ou Foo Fighters? Ils n'ont pas vu. Je sais pas. Ils n'ont juste pas vu. Ça prend une fois live, je te dis, puis tu es convaincu. Checkez dans vos indésirables d'un courriel. Vous allez peut-être faire un saut. Le message est passé. Hein? Si quelqu'un qui travaille pour le festival d'été écoute. S'en vient ici, au plus vite. Uh-huh. On a des attentes maintenant. Les boys, j'aime on a entamé moi. Pas mal l'année. Il y a une série de shows qui s'en vient. Vous composez des nouvelles chansons. Je suis pas au courant pantoute. Non. C'est notre critique. Moi, j'ai été kidnappé par Fidel Fiasco. J'ai été fucking kidnappé par Fidel Fiasco à Drummondville. J'étais en congrès pour mon travail. Vous voulez pas mettre le sac sur la tête. Suit and tie. J'étais en costa-cravate. Et à mon hôtel, il y a deux disjonctés qui sont venus me kidnapper. J'ai même eu droit à une cagoule sur la tête pour aller dans une jungle, une espèce de studio. Le Rustic Jungle Studio. Et j'étais un des premiers à voir ça de ma vie, mais je peux pas parler de ce que j'ai vu. Ben, il sait pas c'est où, de toute façon. Non, c'est vraiment dans le bois, sérieusement. C'est une demi-heure de la civilisation, c'est un camp de chasse. J'ai réussi à me sauver 5 minutes pour aller pisser sur le bord de la route, puis je savais pas j'étais où. Tu verras qu'à bande, tu serais même pas game de rentrer là. C'est quand même surprenant, mais je pense qu'il va se créer dans ce laboratoire-là beaucoup de choses, je trouve ça cool. On reporte tout le temps. Fidel Fiasco, vous êtes une formation qui a toujours misé sur l'originalité. Ce que vous faites, vous le faites bien. Puis félicitations encore. Merci d'être là pour le Radioton. On va vous entendre dans quelques instants. On va y aller dans pas long avec les pubs. Mais j'aimerais inviter, bien sûr, Scarlett, on invite les gens à donner généreusement. Oui, appelez au 418-640-2575 pour donner par le téléphone. Ou aller en ligne au ckrl.psic.ca, on prend PayPal. Puis sérieusement, on veut péter. Ça serait cool, un 100 000. Ben ouais! Tu sais, 100 000, là, on pourrait pimper. On pourrait tous se pimper. Moi, et Frank, on s'est dit, on devrait peut-être s'attacher avec des menottes dehors, puis on dit, on joue pas tant qu'on n'a pas atteint le montant, nous autres. Ouais, non, mais on veut jouer après tout, c'est d'un coup. On n'a jamais trouvé de tie-rap. Non, mais vous pourriez non, sérieusement, jouer... tie-rap, tu le sais, hein, j'en ai cherché partout. Les tie-raps sont durs à trouver. Ouais, je suis pogné pour jouer avec des cordons en tête et mes pédales. Ah, parce que notre kit, il est comme fait ton mate, pas mal. J'appellerais ça Frankenstein. On y va avec les publicités, on vient avec vous autres, on vient avec Fidel Fiasco. Hell yeah! Merci. Hell yeah! Partenaire majeur du Radioton de CKRL, Audiolite est le spécialiste incontesté de la haute fidélité à Québec depuis 50 ans déjà. Des conseillers compétents et passionnés sauront faire de votre visite une expérience d'achat hors du commun. Service après-vente exemplaire et prix compétitif. Audiolite.qc.ca. Tell you, man. Sa prescription punk rock Sectacore, excellent band de ska qui fusionne le Psycho Billy, le ska. C'est parfait pour délinquant punk rock. C'est malade, hein? Quelle belle fusion. Écoute, Scarlett, on va y aller dans pas long avec une formation qui est assez unique dans son genre. Je pense que tu l'as vu pendant l'entrevue. Ah ouais. Ce que les gars n'ont pas dit, c'est que dans le fond, eux autres, normalement, sont dans un asile, tu sais. À longueur de semaine, à longueur d'année, mais c'est leur seule sortie présentement avec les shows de la tournée qui permettent de le faire, donc on est très chanceux. Écoute, on a signé de la paperasse pour pouvoir les avoir puis les sortir de là, on a Fidèle Fiasco Live, et d'ailleurs le trois quarts aussi du public viennent tous d'un hospice, hein, n'est-ce pas? Yeah! Parce que c'est plus facile comme ça d'avoir un crowd. Ben ouais, ça en plus rien. Ils sont super motivés, là. Ils sortent pas souvent. Ah, ils sortent pas souvent. On va y aller avec un bloc rapide musical. On revient bien sûr avec Fidèle Fiasco live à prescription punk rock. Quel pli aux délinquants punk rock. Ouais, mais avant, on a un chiffre qui vient nous être transmis. Scarlett, on est rendu à combien? Quel montant la station en ce moment a atteint? Pour le moment, on est rendu à 21 833. Merci à tout le monde qui donne. C'est grâce à vous qu'on peut avoir des émissions comme Prescription Punk Rock et Délinquant Juvénile. Donc, avoir vraiment une diversité musicale à la radio. Merci de tout cœur. On a encore une job lundi prochain, yes! Scarlett. On est encore en onde. Hell yeah, merci tout le monde. Bien sûr, on va avec un bloc musical et on revient live avec Fidel Fiasco. Woo! Hell yeah! Merci tout le monde. On y va avec Fidel Fiasco! Hein, Alicie? Ouais! Yes! Plus assez, elle fait une traître droguée. T'aurais eu la crise de paix. monde m'énerve. Thank you. voudrais juste, je voudrais bien revoir ma brune. Je me réveillerai deux yeux dans la brume. Je voudrais bien connaître le calvaire qui m'a souhaité autant. De carrière, je passe ma vie dans la poussière. Heureux comme mon cœur est en enfer. Toujours rempli de poussière de pierre. Je vois du matin jusqu'au soir. De l'hiver que je vais redescendre. Au plus profond la pluie, je descende. Ah, au-dessus de moi, toutes les terres. Des kilomètres de désastre. Ouais. L'album est dans nos dabs sur Bandcamp. Il y a Rudy Kaya qui chante sur cette chanson-là. Sur son lit de feuilles grises reste son corps mort, sa liberté que l'on méprise a décidé de son sort, oublié par ses frères parce qu'il avait choisi de suivre plutôt que de taire. Chacune de ses envies. Enclin à disparaître autour de ses avoirs de père qui ne possède que sa mémoire. Il disait, donnez-moi un peu de votre chaleur. Osez briser ces lois qui cultivent votre malheur. Ce fut son point final, son coup qui clôture le ton face à la salle. Et son rire qui perdure. J'ai creusé mon trou, aïe aïe aïe. Et dans 100 ans je serai aussi creux qu'à vous. J'ai trop perdu du temps pour comprendre en vain que si il court l'instant et jamais ne revient. Ce fut son point final, son coup qui clôture le ton face à la salle. Et son rire qui perdure. Enfin, soyez patients. Vous finirez par admettre que votre précieux temps est votre seule dette. Ensuite, doigt levant, remontant ses trous de manche, il prit son élan et nous effaça. En silence. Ce fut son point final, son coup qui clôture le ton face à la salle. Et son rire, ce fut son point final, son coup qui clôture le ton face à la salle. Et son rire qui perdure. Merci. Nous sommes Fidel Fiasco au Radio-Ton. Donnez, s'il vous plaît. Généreusement. Fallait que je mette un qualificatif, quelque chose. Ok, là c'est vraiment smooth. J'aurais voulu être de ceux. J'ai pas une vision du caractère, mais j'en ai passé ça a l'air. Faudrait se sentir coupable de toutes les journées qu'on passe à rien faire, à se souffler, aller au gym, se trouver beau devant un miroir. M'apprivrai pas de triper pis de boire, parce que je fais pas un gabarit. Puis si ma vision vous écœure, sachez que ça changera pas ma vie. C'est pas mon bail, c'est pas mon bail. J'suis pas parfait, je sais trop bien. Toujours en tort, j'suis paresseux. Lunatique pis bordélique. Mais ça, je veux dire, même pas moi qui en composé à tout. C'est stuff. Je me priverai pas de triper pis de boire, parce que je fais pas dans le gabarit. Et si ma vision vous écœure, sachez qu'à... ça changera pas ma vie. Tidili, papouli, pou. Tidili, papouli, pou. Merci à tous d'être là ce soir. On est bien content d'être à Québec avec vous. On va essayer de pas me fucker en parlant. Il reste peut-être juste 5 minutes avant qu'on en fait. M'apprivrai pas de triper pis de boire, parce que je fais pas dans le gabarit. Pis si votre vision m'écœure, sachez que... dans la bête, faut juste débarrasser de la corde. T'as la dent, de tête en tête, de parcours, laisse très honteux. Qu'on cache tout pour bien pareil, qu'on la retrouve pour être heureux. Hey! L'un est en chasse, soit peine à l'écart, l'autre dégueule ses réseaux sociaux. L'un a honte de son corps, l'autre veut juste la peau. Dans de tête en tête, faut des principes et des valeurs. Nos petites histoires, on en est maître. Y'a personne qui en a une meilleure. Je reviens finalement dans ma tête. Je veux plus jamais qu'on s'engueule. On est tous pris dans la même tempête. Ouais, ben dans vie, t'es jamais le seul. Merci, Veda! Merci. Ici Agnès Maltais, je vous invite à participer au Radioton 2018. Soutenir CKRL, c'est s'assurer d'une voix locale et unique, la première radio communautaire francophone. C'est valoriser et soutenir la culture québécoise et la relève artistique. C'est permettre à toute la communauté de s'exprimer et de participer à la vie de quartier. C'est grâce à vous que CKRL est la plus belle radio au monde. Bon Radioton 2018! Tu veux devenir acteur, musicien, compositeur, scénographe, metteur en scène? Tu cherches une grande école où enseignent des musiciens et des comédiens renommés? Viens faire ton conservatoire. Le Conservatoire de musique et le Conservatoire d'art dramatique de Québec, deux écoles d'une extraordinaire vitalité au cœur du bouillonnement culturel d'ici. Découvre ces établissements prestigieux et chaleureux dont les diplômés sont les joyaux de la scène québécoise et internationale. Sur scène, sur disque, au cinéma, à la télé, nos finissants sont partout. Et CKRL se fait le promoteur de leurs talents. Le Conservatoire est fier d'appuyer le Radioton de CKRL. Le service de comptabilité et de gestion immobilière de la CEDEC est un partenaire important pour la saine gestion de votre entreprise ou organisation. Que ce soit pour votre tenue de livre, votre conciliation bancaire, la préparation de la vérification comptable, votre service de paye ou tout autre besoin en comptabilité, vous pouvez compter sur une équipe dynamique qui vous offre un service professionnel, confidentiel et personnalisé. Pour une rencontre exploratoire sans engagement de votre part, contactez André Roy au 418-525-5526, poste 2120 ou sur cedecdequebec.qc.ca. Suivez notre encan du Radioton sur ckrl.qc.ca. Téléphonez au 418-640-2575 et misez à votre tour. Le lot numéro 68 offert par l'Anglicane vous offre une paire de billets pour Vincent Vallière samedi le 12 mai, Bellflower vendredi le 18 mai et Daran samedi le 19 mai. Tout ça d'une valeur marchande de 210 $, laissé en mise de départ à 105 $. Le numéro 69, lot numéro 69 offert par le FEC, Festival d'été de Québec, qui vous laisse deux laissés-passer pour le FEC édition 2018 d'une valeur de 200 $, laissé à 100 $ seulement. Le lot numéro 70 offert par la Folle Galerie, qui vous offre deux nuitées tout compris pour une à quatre personnes à Saint-Roch-des-Aunais. Non valide pour les jours fériés, on doit le préciser, d'une valeur marchande de 250 $, laissé pour seulement 125 $. Le lot numéro 71 offert par le Knockout, un certificat cadeau de 50 $, laissé pour seulement 25 $. Le lot numéro 72 et 73 sont tous les deux offerts par la joaillerie Sims, qui vous offre en lot 72 une bague vague, topaz bleu 5 mm et deux grenats orangés de 4 mm d'une valeur de 325 $, laissé pour seulement 160 $. Et le lot numéro 73, toujours de la joaillerie Sims, un pendentif argent oxyde de zirconium rose de 8 mm par le Tahiti. Une perle Tahiti, oui, de 11 mm. La mise de départ est de 235 $ et la valeur marchande, 475 $. Suivez notre encan du Radioton sur ckrl.qc.ca. Téléphonez au 418-640-2575 et misez à votre tour. Salut tout le monde, ici Dan Bigra. Et donnez généreusement pour le Radioton à CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. La Caisse d'économie solidaire, qui est la coopérative financière de l'économie sociale au Québec, salue tous les citoyens engagés, les coop, les OBNL et leurs partenaires privilégiés. Vous faites de CKRL un média de transformation sociale qui nous inspire. Bon Radioton! Yes! On est prime time pour le Radioton. Merci tout le monde d'être en studio. Ça mérite un hell yeah! Hell yeah! Fidel Fiasco est live avec nous autres dans quelques instants. On va entendre même ma petite puce chanter avec Fidel Fiasco. On y va, bien sûr, avec la formation. Merci d'être là. Donnez généreusement, bien sûr, pour le Radioton. Oui, vous pouvez appeler au 418-640-2575 pour donner ou aller en ligne au www.ckrl.qc.ca. On prend PayPal, donc vous n'avez pas d'excuses. Encourager CKRL et la diversité musicale à la radio à Québec. Permettez-moi de crier en lien encore un an. 1, 2, 3, 4. On aimerait tous laisser quelque chose qui dure éternellement. Pensez, l'éternité, c'est long en sacrement. J'aime bien ça, ouais, la baisse là-dessus. Ouais. Moi, je trouve ça bon, hein, avec la baisse. As-tu branché? C'est de ma faute. Ah ben, c'est de sa faute. On s'appelle Fidel Fiasco en passant. Yeah! 1, 2, 3, 4. On aimerait tous laisser quelque chose qui dure éternellement. Ma bien y penser. L'éternité, c'est long en sacrement. Joue avec mon cœur, il sera sûrement pas long. Si demain je meurs, je veux que ça sente bon. Apporte des belles fleurs au salon, bien pour ta soeur. Je la trouve bien canon. Bang, bang. La vie à quoi ça rime, peut-être tu sais, ou peut-être là. Tu l'aimes pas, c'est parce que tu l'as pas. Aimes-tu l'air de ta chanson? Ben voyons donc, ben voyons donc. Cherche pas de raison, non. Tous à l'unisson. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aller s'installer confortablement. Après quelques années, on veut sacrer notre camp. Joue avec les cœurs, puis la raison. Si jamais je pleure, je vais me rappeler que ça sentait bon. J'aurais peut-être dû rester à la maison avant nos trois enfants me sentaient des canons. Bang, bang! L'amour, à quoi ça rime? Si ça marche pas, c'est parce qu'on s'aime pas. J'en parle à l'île à bonbon. Tu l'aimes pas, c'est parce que tu lances pas. Aimes-tu l'air de ta chanson? Ben voyons donc, ben voyons donc. Cherche pas de raison, non. La la la la la la la la. Chantez. La la la la la la la la la. Chantez. On commence à être sous. Ah, je m'essaye, juste pour. Ah non? Juste pour l'occasion. Accessoire. Ouais. Tu vois, ça part pas, hein? Gaspésie, oh oh oh oh oh oh oh. Le soleil, grâce ton sourire. Et le ciel, grâce notre avenir. Ma Gaspésie, oh oh oh. Je mangerai au café des artistes. Et je dormirai sous le pont de Gaspé, sur la rue de la Reine. chanterai. Je chanterai pour toi. Tout l'été, tout l'été, tout l'été. Comme un cœur en plein cœur de l'hiver. S'en allant dessous. Prière de ne pas déranger. Je suis en vacances. Oh, Gaspésie, parfait. Oh, oh, oh. Ma Gaspésie, merci. On l'a rajouté. Oh, attends, celle-là, faut que je me la... Ouais, ça, c'est une nouvelle, hein. Mais je suis fonceur. J'ai pas plein de blé, parce que je suis pas crosseur. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas de plan, je suis enragé. De temps en temps, ah! J'ai pas de mémoire pour les notes. Je suis solitaire, avec de la parlotte. Je ris aux larmes de moi aussi, y'a pas de drame. Dans ma folie, ah, ah, ah! D'où je suis rendu, souvent dans misère, mais pas souvent déçu. J'arrive en temps, mais je suis là, je finirai plus tard. Ouais. Ça me dérange pas. Ah! J'ai des défauts que je connais très bien. Je travaille pas dessus, j'ai tout essayé. Enfin, j'ai bien compris avec le temps que mes talents y étaient bien plus payants. Ah, ah, ah, ah, ah, ah! Ok, c'est un bout qu'on ne sait pas trop. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On l'essaye, on l'essaye. Une autre fois, ça sera meilleur. On mordra, mais ça en va, on dirait. La prochaine, elle va faire mal. Hein. Ok, il en reste deux, là, on va y aller tranquillement. Avec celle-là, puis ensuite, on enchaîne avec l'autre. Ah, ben, on peut en rester plus que ça. Comment qu'il en reste? Ah, ben, ça peut. 13 minutes. Oh. Oh, on est bon pour faire le On va allonger la dernière. Bon, on va le faire, c'est la vie. C'est quand j'arrive ici que j'ai l'impression que je serai toujours à caler. Hey, hey. Et toi, t'en penses quoi haut ta pyramide de Maïsso? Oui, mais tu l'es-tu confort? T'as pas fait pour toutes les beaux parapapa. Parapapapa. Paralala. Parapapapa. Parapapa. Parapapa. Parapapa. Parapapa. Parapapa. Ben oui, j'assume, je sais que c'est moi le problème là-dedans. Y'en a qui voudraient me conformer, moi j'aime mieux faire autrement. C'est sûr, je pourrais me raser, décoter les petites mitaines. Ça va, ça garde au chaud, pour passer à travers la semaine. Voilà, papa! Voilà, papa! Voilà, les autres sont importants. C'est juste un exemple tout autour de ma maison. Je trouvais ça pas mal plus beau. J'ai mis dans l'idée du dans l'ombre. Balalala. Balababapa. Wouh. Balalala. Balababapa. Balababapa. Balababapa. Balababapa. Balalala. Balababapa. Merci. Son taux de feu, là, parce qu'on sent l'été aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué. Je suis arrivé à Gaspé le matin, j'allais rejoindre mon chum Julien. Il m'a présenté un bon gars qui habite creux dans le bois. On est allé faire un petit feu, on a bu un peu avec les loups. On est assis. Et son tipi, c'est quelque chose à boire, je vous le dis. Ça sent la liberté pis la bière. Maudit qu'on est bien à soir. Dans Boucan, la pile et l'imace, on s'est tout pété la face. Avec les loups, on est assis. Après c'est Gab pis Lancelot, c'est les deux qui sont jeunes pis beaux. Eux autres aussi aimaient le concept d'aller dormir dans le bois aux fenêtres. Ils se sont construits aussi un hostie de beau gros tipi. Avec les loups, on est assis. Après c'est à mon tour d'emménager avec les ours. Un loup de plus dans la forêt, ça va être le party pour la vraie. On a des chargés de quoi se saouler, puis on s'est mis à gueuler. Avec les loups, on est assis. Avec les loups. Ah, puis y'a-tu des loups ici, t'as ça, Québec? Mais on va vous expliquer la raison pour laquelle on est là. Peut-être pas, on travaille fort pour venir ici. On en fait à chaque jour des sacrifices. Ma blonde qui attend toute seule assise dans le salon. À soir, c'est chanceuse, je vais finir ma chanson. Puis mon petit qui me voit juste une fin de semaine sur deux. J'espère au moins me voir un peu. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est de prendre un crayon. Puis de vous écrire une autre chanson. Monde-nous donc. Si on est célèbre, célèbre tu dis. Mais ça, on fait juste ça, célébrer tout le temps. Peut-être pas, mais on est ben sérieux. La, la, la, la. On fait tout pour qu'à chaque show, votre vie sonne mieux. La, la, la, la. Cherchez puis cherchez pour trouver la différence qui va te faire embarquer dans notre danse. Plus on trouve de chapeaux qui font vos têtes, plus on est rassemblés pour la fête. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est de s'asseoir au piano, puis de vous écrire un autre morceau. Monde-nous donc. Ouais, ouais, ouais. Si on est célèbre, célèbre tu dis. Mais ça, on fait juste ça, célébrer tout le temps. Ah, puis j'oubliais de vous dire notre secret. C'est que les fausses notes rendent le show pas mal plus vrai. On joue avec notre cœur, pas avec nos doigts. C'est pour ça que ça sonne pas toujours droit. C'est un peu comme à tous les jours. C'est pas toujours juste, puis on prend des détours. Nous, tout ce qu'on sait faire, on va le faire tout le temps. C'est de vivre en chantant. La, la, la, la. Célèbre tu dis. Mais là, on fait juste ça avec vous autres. Célébrez tout le temps. Hey! Merci tout le monde. Merci. Deux minutes de loupe. Merci, merci. Un fade out. Oh, la reste. On va la prendre. Hell yeah! OK. Oh non. On peut en faire un. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi qu'on l'a fait plus. Ouais. Celui-là, on l'a fait plus parce que. Tu sais, ouais. C'est comme. On va t'en faire plus vite, c'est tout. C'est comme le vieux dans le bas du fleuve, mettons, ça te tombe pas. C'est ta meilleure, Bédard, celle-là. Assis au bord, pas loin de la porte. Voulant fumer un pétard, là-bas, tu vas falloir que tu sortes. Tu tapes dans le dos, ou tombe à terre. Hey, j'ai pas trouvé d'eau! Elle m'a dit non! C'est de la bière! C'est la toune de la baboune! La toune du clown, pas de ballon! La toune de la baboune! La toune du clown, pas de ballon! Encore la bière à la main! Débalasse la place! J'en échappe un peu sur mon chemin! Un peu dans ma face! Rendu dehors, je m'enlève ses marches. Finalement, la ligne était pas droite. Je pogne une débarque. C'est la tonne de la baboune. La tonne du clown, pas de ballon. La tonne de la baboune. La tonne du clown, pas de ballon. me dirige vers mon char. J'ai peur de croche. J'essaie de me rappeler où j'ai parqué ma Porsche. Le char n'aime pas démarrer, l'heure de la police arrive. Oh, mon me fait chicaner, c'est l'heure de ma vie chavire. C'est l'automne de la babonne. La toune du clown, pas de ballon. La toune de la babonne. La toune du clown, pas de ballon. L'officier me demande de marcher sa ligne. Ben voyons, monsieur l'agent, hey! Check-moi ben, allez! Hey, niaise-moi pas être clown. T'as pas marché drette. Mais ça, c'est le dos des gars de la ville. La ligne est mal faite. C'est la toune de la babonne. Du clown qui souffle dans ballon. La toune de la babonne. Du clown qui souffle dans ballon. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. C'est la tonne de la babonne. Du clown qui pète la ballonne. La balle de la babonne. Du clown qui pète la ballonne. Ouais! Merci. Quel merci. Succès! Wouh! Hell yeah! Merci, Fidel Fiasco! Merci infiniment, sérieusement, tout le monde, de vous être déplacé en studio. Merci d'avoir écouté à la maison. Frank, viens ici deux secondes. On a un excellent lot pour vous autres, pour le Radioton. Yes, sir. Ben, dans le fond, je suis venu ici, dans le fond, pour donner un peu de CD. Frank est chroniqueur à Prescription Punk Rock. Ben oui, c'est moi le tannant qui parle de chez nous. Ben, je suis tout en train de travailler le soir. Mais non, vraiment content de voir tout le monde ici t'asseoir, puis de voir que vous avez ramassé au moins 21 000 piastres. Sérieux, c'est excellent. Hein? Puis on vous incite à en donner plus. Puis c'est pour ça que j'ai amené des CD. S'il y en a qui sont intéressés, bon, les CD de Cheapo Records, on en a, je n'en ai quoi, une dizaine, 10, 12, là. C'est pas beaucoup, mais c'est ce que je pouvais amener à soir. Fait que gênez-vous pas, les 100% des fonds vont à CKRL, fait que achetez-les, hein? Puis c'est l'équipe du bon punk dans dehors, puis il y a du bon punk d'ici aussi, il y a Monoxyde aussi de Québec, fait que... Je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite une belle soirée. Scarlett, je te lève mon verre. C'était un honneur d'animer avec toi. Merci infiniment. Ah ben, merci à toi. Pour merci de m'avoir enduré. Bon, t'es pas tout seul à endurer. Les délinquants juviniles, bien sûr, les lundis de 17h30 à 21h. Et bien sûr, Prescription Punk Rock de 21h à 22h30. Et les salopards qui terminent lundi, on va être en onde. Merci tout le monde d'avoir donné généreusement. Merci pour l'émission. Merci tout le monde en studio. Ouais, et c'est pas terminé, hein? Et hey, puis un gros merci à Simon, à la régie. Simon fait une job incroyable toute la fin de semaine. Merci Simon. Merci à toute l'équipe. Merci à Tania. Oui, et ceux qui écoutent en ce moment, là, restez en onde. Pardon, restez à l'écoute. Pardon, l'émission L'Autoroute s'en vient avec Stéphane Villeneuve, Jacques Dulac et Vincent Delisle. Donc, on n'a pas fini de vous mettre la bonne musique dans les oreilles. Scarlett, ça mérite un... Hell yeah! Merci tout le monde, hell yeah! Donnez généreusement pour le Radioton.